non, je ne veux plus y croire à ce brouhaha des cœurs, à ce règne de la peur. Alors je ne veux plus y croire. Refaire le chemin à l'envers. Oh non, je ne peux pas retrouver le goût de la chair. Oh non, je ne peux pas. Oh non, je ne veux plus y croire. Assez de brûlante mémoire. Refaire le chemin à l'envers. Je ne peux pas. Je vais trop me laisser. Je connais les braises des montagnes, les fontaines scintillantes dans tes yeux. C'est trop court, instant précis. Assez turbulente mémoire, refaire le chemin à l'envers. Mais je ne peux pas. Oh non, je ne veux plus y croire. Assez de l'amour et cœur, assez vrai. Je veux plus y croire. Je veux plus croire aux paroles. Berce-t-il de la toute-puissance, ce dont autant l'instantané, dans la lumière, les murs et les peines ont sauté.